mais au hasard pour essayer de faire l'exercice. trois d'IA, donc celle-ci et les deux qui concernent l'examen, vous les enverrez dans leur micro PowerPoint pour que vous ayez tout ça en mémoire. Alors ce ne sera pas dès que je sors du cours, hein. Ce sera sans doute demain, voire vendredi. Donc pas de panique, mais je vous les enverrai. Ça va? Donc je ne vais pas vous détailler tout parce que je l'ai à l'heure, mais comme ça vous voyez plus loin de quoi il s'agit. Alors pour l'examen, donc, la date de l'examen, c'est le 13 juin. En accord avec M. Vanet, il vous le redira certainement vendredi. Toute la journée, mais il y aura bien sûr un ordre de passage des groupes, donc vous aurez une heure approximative de passage de votre groupe. Ça ne concerne évidemment pas les étudiants qui ne suivent que mon cours. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont là? Oui, donc vous, je vous enverrai à toutes les trois, j'en ai trois pour l'instant, un courriel vous expliquant votre examen, parce que ce sera différent. Alors, Olivier, vous avez donné pour consigne de travailler par groupe sur une note d'intention en 10 étapes. C'est une étape que j'ai reprise ici. Je ne rentre pas dans les détails de ces étapes parce que ça le concerne. Mais moi, je vais ajouter quelques points à ça. Parce que lui, c'est sa note d'intention. C'est votre projet. C'est une fiche projet. Moi, je vais vous demander. Donc voilà, le projet que je vous fais, mais est-il vraiment réalisable, concrétisable? Et là, vous devez examiner l'adéquation entre votre projet d'activité et les déclarations de politique culturelle de la Fédération de Bruxelles, de la région de Bruxelles-Capitale et de la région Wallonne. Je parlerai de ces déclarations dans le cours d'aujourd'hui. Elles sont disponibles, bien sûr, sur le site des institutions. Alors, ce sont des gros documents. Mais il n'y a que celui de la fédération qui concerne l'ensemble de la culture. Évidemment, dans les deux régions, la culture n'est qu'une petite partie, parce que là, c'est la déclaration de politique régionale, ce n'est pas la déclaration de politique culturelle. La fédération a une déclaration de politique culturelle. On dit donc DPC, en abrégé pour ceux qui veulent en savoir. Donc, vous voyez si votre projet rentre dans une de ces déclarations. Par exemple, la Fédération avec Bruxelles dans sa déclaration politique culturelle 2014-2019 mais je vous l'ai déjà dit, l'usager au premier plan, donc sa préoccupation première ce sont les usagers culturels, donc vous et moi en tant que consommateurs de culture, même si je déteste ce mot de consommateur. Ça veut dire que si dans votre projet vous comptez par exemple c'est bien que c'est des projets des institutions, hein, mais je donne des exemples ex cathedra. Vous comptez par exemple organiser une saison de concerts de musique néo-baroque, vous aurez difficilement des subventions. Parce que le public potentiel de ce genre d'événement est assez restreint. Et ce n'est pas non plus vraiment dans un esprit de démocratie culturelle. En tout cas auprès de la fédération. Maintenant, il y a peut-être d'autres organismes, bien sûr, qui vous aideraient à financer ça. Donc, une fois que vous avez vérifié ça, ben, vous listez les pouvoirs publics potentiellement subsidiants pour les différents niveaux de subvention possibles. Alors, évidemment, quand c'est un projet comme ça, s'il est écrit, en termes d'emploi, c'est déjà un peu compliqué. Donc, ça ne sert à rien de vraiment perdre votre temps là-dessus. Mais vous pouvez voir ben, si c'est dans un centre culturel, où est-ce qu'il peut demander des subventions en fonction de... d'un projet d'exposition, d'un projet de saison de concert, d'un projet de saison de théâtre, etc., etc. Puis, il faudra faire l'esquisse budgétaire. Alors, je sais qu'Olivier a prévu de vous expliquer ça dans son cours s'il ne l'a déjà fait. J'y reviendrai après les vacances de Pâques. Donc, gardez ces questions-là pour après. Donc, un budget, c'est évidemment, je vous l'ai déjà dit, les entrées et les sorties, hein, les ressources et les dépenses. C'est pas seulement... Ah ben voilà, j'ai besoin de 50 000 euros et j'aurai 10 000 euros qui viennent de la communauté, 20 000 euros qui viennent de la région, 5 000 euros qui viennent de la Fondation Rendez-vous des Noirs, blablabla. Il faut aussi dire, oui, mais à quoi vous les destinez et comment vous allez les dépenser. Et enfin, les pistes de financement qui seraient autres que celles des pouvoirs publics. Alors oui, c'est une erreur aussi en particulier publique, là, il faut enlever ça. Donc, vous pouvez très bien demander, par exemple, à la Fondation Rendez-vous des Noirs, qui a une série de fonds comme ça qui peut subventionner des projets ou des institutions pour des projets qu'elles ont. Vous pouvez ajouter ça dans vos pistes de financement. Vous pouvez trouver d'autres choses aussi. Hein. À ce stade-là, vous pouvez aller voir à l'Union européenne, etc. Mais moi, j'en aurais pas encore parlé. J'en parlerai après les vacances de Pâques. Alors, je ne sais pas si M. Vanet vous a déjà donné une date pour rendre votre travail, puisqu'évidemment, vous devez le rendre avant l'examen, parce qu'il faut qu'il puisse le lire avant de vous examiner. Il vous a donné une date ou pas? Parce que moi, j'ai pris la date qui est normalement la date de remise des mémoires, si je ne m'abuse. Donc, le premier lundi du blocus, après les semaines d'emploi. Donc, il faut rendre ça pour le 22 mai. Alors, par contre, ce travail-là, j'aimerais bien avoir une version numérique, mais une version écrite aussi. Parce que pour lire et s'imprégner du fond du travail, c'est mieux de le lire sur papier. Et je n'ai franchement pas le temps de passer mon temps à imprimer tout votre travail. Et donc, le mardi 13 juin, il y aura la défense orale. En même temps que la note d'intention, donc on vous recevra à trois, M. Vanet, Émilie Yassagouen et moi. Vous présenterez par groupe votre travail fait à la fois pour Vanet et pour moi, et puis on vous posera des questions, et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pour l'examen du 13 juin, il y a plusieurs d'entre vous qui vont prendre l'examen le matin, peut-être des sources en fait. Ah. Eh bien, envoyez un mail à Olivier Vanet, à moi-même, comme ça on va essayer de voir, de demander Émilie qu'elle vous mette l'après-midi, quoi. Si vous avez un problème de chevauchement d'oreille, signalez-le rapidement, parce qu'il faut qu'elle ait le temps de se retourner, même si on n'est qu'au mois de mars, j'en conviens bien. D'autres questions? C'est clair? D'accord, je trouve qu'on est un peu effrayé, hein, mais. Allez, donc on commence le cours. On va essayer de finir cette infernale histoire des politiques culturelles belges, n'est-ce pas? Donc je vous rappelle qu'on était dans le parcours depuis les années 90 jusqu'aujourd'hui. On avait vu les liens entre culture et économie, donc avec le sous-financement des politiques culturelles publiques par rapport à la capitalisation de la culture. J'avais une question la semaine passée là-dessus, vous pouvez aussi dire privatisation de la culture, hein, si vous voulez. Alors il y a la mutation des politiques culturelles, et donc on a vu que pour les pouvoirs publics n'ayant plus les moyens financiers d'être à la hauteur par rapport justement à la concurrence capitaliste, entre guillemets, eh bien elles prennent des mesures pour réguler cette activité culturelle capitalisée. Hein, donc elles prennent des décrets, des règlements, etc., etc. Mais elles prennent aussi des mesures fiscales avec des avantages fiscaux pour pouvoir mieux contrôler aussi toutes ces initiatives. Alors les communautés par rapport aux régions, dans ce domaine-là, je vous l'ai dit, sont fragilisées puisqu'elles n'ont pas de revenus propres, elles sont financées par l'État central, elles ne peuvent pas lever l'impôt, donc elles n'ont pas de revenus directs. Il y a aussi, alors deuxième point, l'émergence de nouveaux acteurs culturels avec toutes ces sociétés qui offrent des services, mais évidemment contre monnaie payant des trébuchants, pour créer des événements, pour assurer de la consultance, notamment pour obtenir des financements européens, pour créer des emplois culturels, etc. Et là, la réaction des pouvoirs publics, c'est de créer à son tour des agences internationales culturelles qui sont en général co-gérées par la fédération et la région. Et alors, il y a des collaborations aussi régionales. On verra tout à l'heure qu'il y a des plans, par exemple le plan Marshall 4.0 de la région Wallonne. Eh bien, il y a des parties qui sont conçues en collaboration étroite avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour tout ce qui est culture, justement, mais pas que. Enfin, c'est la culture qui nous intéresse. Alors, le deuxième point, c'est les liens entre culture et démocratie. Puisque, je vous rappelle qu'on est dans la démocratie culturelle et plus dans la démocratisation de la culture, en tout cas, on essaye. Donc, on veut rendre la culture, enfin, on l'a voulu et on continue de le faire, accessible à différents groupes sociaux qui peuvent être définis par, en termes d'exclusion ou d'inclusion. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Il y a le rôle des politiques publiques dans la médiation culturelle et les formations liées à la médiation culturelle et artistique. Donc, les formations dans les hautes écoles en général, etc. Mais maintenant, ça commence à l'université. Diversité culturelle et multiculturalisme, donc la reconnaissance des expressions culturelles des populations allochtones en Belgique. C'est une façon, les intégrer, mais c'est une façon de lutter contre la communautarisation de ces communautés précisément et contre les revendications identitaires. Ce n'est pas toujours gagné, mais ça y contribue. Alors, on en était arrivé là, mercredi dernier, sur le principe de la démocratie participative. Donc, en fait, c'est en lien avec, vous vous rappelez, la culture en région wallonne, mais aussi en région flamande, est construite sur les piliers, les associations, les organisations qui sont regroupées en piliers, adossées à des partis politiques. Et donc, en fait, quelle est la place aujourd'hui avec tous ces changements dans la culture, cette capitalisation, cette démocratisation, etc., quelle est la place des associations par rapport aux politiques? Est-ce qu'elles continuent à être les leviers ou vraiment les opérateurs, donc les représentants des pouvoirs publics sur le terrain, et donc les pouvoirs publics leur déléguant leurs fonctions ou pas? En fait, les associations aujourd'hui sont devenues plus des espaces de médiation entre la société civile et les lieux de décision politique. Donc, ce sont des intermédiaires, des plateformes, des interfaces, comme vous voulez. Donc, et vu la déclaration politique communautaire, enfin culturelle, hein, c'est clair que, comme ils veulent mettre les consommateurs, entre guillemets, en avant, eh bien, ils utilisent maintenant leurs opérateurs comme des outils et donc des intermédiaires, des interlocuteurs entre ces deux parties, les pouvoirs publics et les usagers. Alors, en communauté française, il y a justement des problèmes aussi, parce que, évidemment, les associations qui existaient avant, adossées clairement à des partis politiques, il y en a qui existent toujours et beaucoup, mais face aux nouvelles associations, elles entrent parfois en conflit. Parce qu'elles veulent garder leur ancien prérogative, etc., etc. Et donc, ce n'est pas toujours évident, par exemple, dans le cas des musées, entre un musée classique ou le musée des arts anciens du Namurois à la Mule, qui en plus présente des beaux-arts, hein, et un musée comme le BDS22 à Charleroi, c'est tout à fait de rapprocher tout, et le BDS22 est un genre d'institution plus ouverte en termes de recherche, d'autres financements, etc. Elle est plus in, elle est plus de mouvement, elle va aussi recourir au crowdfunding plus facilement, elle va faire des partenariats avec des opérateurs économiques, etc. Tandis qu'un musée plus ancien qui est pignon sur rue depuis plus longtemps, il a du mal à passer certaines étapes. Et donc dans les décrets, etc., on doit gérer aussi cette différence entre les associations. Et donc il faut, comme d'habitude, ménager la chèvre et le chou. Et donc, c'est de nouveau une fonction des pouvoirs publics d'essayer, pas de normaliser, parce qu'on ne veut pas que tout le monde se développe sur le même schéma, mais d'essayer de garder cette diversité institutionnelle ou associative sans qu'elle se rentre en conflit permanent. Alors, dans le lien entre culture et démocratie, il y a évidemment cette fameuse notion de développement durable qui emprunte pour l'instant tous les projets. Donc, si vous voulez rentrer un projet à l'Union européenne, vous mettez par presque à toutes les pages que ce projet à des aspects de développement durable, mais oublié, par exemple. C'est des modes à ça. Il y a quelques années, c'était je ne sais plus quoi, mais c'est un autre mot qu'il fallait qu'il se retrouve dans les projets européens. C'est pareil au niveau, par exemple, de la francophonie, il faut que certains mots apparaissent, ou de l'UNESCO. Dans les dossiers UNESCO, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire UNESCO vite. S'il n'est pas respecté dans les dossiers, bien, l'UNESCO, ils disent même pas votre dossier, c'est bon. C'est ridicule, hein, ça, je sais bien, mais c'est comme ça. Donc, ici, dans les nouveaux projets culturels, etc., dans les nouvelles politiques culturelles, il faut impérativement tenir compte du développement durable. Le développement durable, ce n'est pas seulement, évidemment, les énergies, les économies d'énergie, les bâtiments, de suffisance, ce genre de choses. C'est aussi, notamment, qu'un bâtiment, aujourd'hui, pour bénéficier d'argent en termes d'infrastructures culturelles, pour aménager, par exemple, rénover un centre culturel, si le projet ne prévoit pas que vous avez des voies d'accès pour les handicapés, vous oubliez aussi. Donc il y a toute une série de normes comme ça qui doivent être respectées et qui prennent de plus en plus de place dans les cadres légaux. Alors, le troisième constat, c'est en termes d'histoire, la répartition des compétences entre les niveaux de pouvoir, elle a évolué. J'y viendrai après. Plus l'État s'est centralisé avant les communautés, donc avant 1970, plus chaque domaine a été isolé l'un de l'autre. Hein. Donc on a vraiment économie, santé, justice, fiscalité. Les politiques culturelles étaient souvent liées aux politiques d'enseignement, mais c'était le ministère des Arts et de la Culture, par exemple, et l'enseignement s'occupait de ça aussi. Et en fait, la communautarisation de la culture a renforcé. Hein, parce que je peux vous dire, par exemple, je reprends l'exemple de... Le musée de la céramique, le centre de la céramique à la Louvière, Keramis, vous avez déjà cité. C'est un gros bâtiment, même s'il n'y a pas énormément de collections visibles, enfin visibles, scénographiées, parce qu'il y a des réserves visibles. Mais, c'est un bâtiment qui est donc construit sur l'ancien site de l'entreprise Gold Keramis à la Louvière, hein, sur qui produisent des tasses que je vous remets, etc. C'est un nouveau bâtiment, mais qui englobe les trois fours bouteilles qui sont conservées, qui ont été restaurées par la région wallonne, puisque c'est du patrimoine immobilier. La région wallonne a obtenu un subside FEDER. Un subside FEDER, c'est un subside européen qui permet de... qui est octroyé dans des zones un peu défavorisées, soi-disant, pour un renouveau économique et donc créer de l'emploi, etc. Et en même temps, ici, donc, c'est culture. Donc, on a construit un nouveau musée autour de ces trois fours bouteilles. Le musée, c'est une compétence de la communauté, de la fédération à l'unité. Alors donc c'est des discussions et des accords mais épouvantables entre régions compétentes pour le patrimoine immobilier et monument ici et communautés compétentes pour le patrimoine mobilier, musée, etc. Donc ça c'est cette répartition et cette parcellisation des pouvoirs, des domaines de pouvoir, c'est vraiment pénible. Alors par exemple un des projets qu'on a, mais un jour, ça devrait aboutir, mais je serai sans doute retraitée depuis longtemps, si pas mort, c'est de faire une seule agence pour le patrimoine. Donc une agence qui serait indépendante des ministères, des administrations centrales, comme par exemple l'Institut du patrimoine wallon l'est déjà, et on reprendrait l'Institut du patrimoine wallon et on en ferait un institut du patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et tous les patrimoines s'y retrouveraient, mobilier, immobilier et immatériel. Ça, c'est une solution possible, mais bon, c'est des tractations politiques entre CDH, VR, blabla. Et puis, c'est clair que nous, dans les administrations, on a un peu peur de ce genre de fusion parce que ça, c'est en train de restructuration et donc la force d'inertie, de résistance au changement, ça pose question. Ceci dit, moi, en tout cas, dans mon équipe, ils ne sont pas du tout opposés à ça. Le tout, après, ça sera aussi de savoir et c'est basé où à Bruxelles, à Namur, à Mons, où est-ce qu'on va se mettre, enfin, bon, et tout ça. Mais ça faciliterait la gestion de la culture et la participation à la conception de politique culturelle. Donc voilà, il y a une remise en question à ces niveaux-là, c'est ce que je viens d'expliquer, parce que effectivement, parfois, il est difficile de savoir où s'arrêtent les compétences de l'un et où commencent celles de l'autre. Quand vous avez maintenant, après la sixième réforme de l'État, la région Bruxelles-Capitale qui hérite des compétences culturelles résiduelles de l'État fédéral, je vous l'ai expliqué, ça implique que la région pourrait très bien organiser un musée, puisque là, maintenant, cette compétence-là. Ah oui, mais alors le musée, il ne peut pas avoir deux subventions publiques pour le même objet. Donc il ne peut pas en même temps être reconnu et subventionné par la Fédération Wallonie de Bruxelles et par la région Bruxelles-Capitale. Il va devoir choisir. A priori, s'il est malin, et donc et théoriquement, il ira à la région, puisque la région peut lever l'impôt et donc a plus d'argent que la Fédération. Mais en même temps, il y en a d'autres qui ne voudront pas. Pourquoi? Parce que s'il dépend de la région, il va de facto sans doute devoir être bilingue. Or, il y a des musées sur Bruxelles qui sont monolingues, francophones, ou des francophones d'ailleurs, il y en a un. Mais des francophones, il y en a. Par exemple, dans l'université ici, les musées, ils sont unilingues. Le musée de la médecine, fatalement, l'est aussi. Il y a d'autres musées qui choisissent, le musée Van Buren, par exemple, a choisi d'être uniquement francophone. Ou alors, il y a des musées qui ont déjà fait deux ASBL gestionnaires, une francophone et une néerlandophone. C'est qu'il va avoir des subventions des deux côtés, mais il va avoir des objets de subventions différents. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre les mêmes justificatifs deux fois, évidemment. Donc, parfois, on ne sait pas très bien où ça commence, où ça s'arrête. Un autre exemple, c'est la région wallonne veut que la communauté, lui, rétrocède sa compétence en matière de patrimoine mobilier qui se trouve dans des biens classés, dans des immeubles classés. Pourquoi? Un immeuble classé, ça relève la région wallonne puisque c'est monument ici immobilier, patrimoine immobilier. Mais dans l'immeuble classé, il y a parfois, et souvent même des objets, qui peuvent être même un musée, qui peuvent constituer un musée. Par exemple, le musée communal de Herstal est dans un bâtiment classé. Et donc, la région Wallonne dit, bah, à partir du moment où on classe le bâtiment, pardon, on classe tout ce qu'il y a dedans. Et donc, ça relève de la région. Ah oui, non, la constitution n'est pas ça. Donc, il faudrait des accords et puis des changements constitutionnels de nouveau pour ça. Alors, le quatrième concept, c'est la territorialisation. Vous avez sûrement déjà entendu souvent les politiques parler de bassin d'habitants, hein, de bassin d'implantation. Donc, le bassin de la région du centre, le bassin de Charleroi, le bassin de Liégeois, etc. Et donc, on va adapter de plus en plus les politiques culturelles en fonction du territoire auquel elles s'appliquent, mais pas du territoire communautaire ou régional, qui est trop vaste. On va le morceler, mais le morceler en plus grands ensembles que les communes. Et donc, par exemple, le concept actuel de pôle muséal ou de pôle culturel commence à émerger. Je vous ai déjà parlé du pôle muséal à Mons. Eh bien, il existe aujourd'hui un pôle culturel dans la région du centre, basé à La Villière, qui rassemble une série de musées comme le musée Marimont, le centre de la culture d'image d'Infriné, qui ramasse, on peut bien vous parler, des centres d'archives comme le Délibule, il y a l'écomusée de Dubuc, etc. Et puis, il y a aussi d'autres types d'institutions culturelles, comme un théâtre, un centre culturel, pour être associé dans ce genre de choses. Mais ça, c'est vraiment comme si on était en présence d'un laboratoire, parce que légalement, il n'y a encore rien qui existe pour encadrer tout cela et pour octroyer des subventions, par exemple, uniques à un pôle culturel comme ça. Donc, pour l'instant, chacune des entités composant le pôle perçoivent des subventions de l'un ou l'autre pouvoir public. Mais la tendance est donc à rationaliser comme ça. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si vous faites ça, un pôle culturel comme ça, le but c'est d'avoir un seul service de communication, un seul service du personnel, la gestion administrative, un seul service pour les gardiens et des choses comme ça. Et donc ça fait gagner en personnel, ça il faut bien le dire, mais aussi en moyens et en efficacité. Parce que si on a une communication unique pour plusieurs opérateurs culturels, bah, ça va avoir plus d'impact en termes d'image et pour amener les usagers. Tu vois. Voilà, donc c'est bien ce que je viens d'expliquer. Le maillage, l'éparpillement est tel que c'est plus possible. Maintenant, il faut essayer de rassembler, de coordonner. Mais par contre, si on pousse la logique plus loin, et si les pouvoirs publics étaient logiques avec eux-mêmes, ben, s'ils osaient aller au bout de leur logique plutôt, ben, alors dans ce cas-là, comme je vous le disais la semaine passée pour les musées, on n'aurait plus 80 musées reconnus et subventionnés. On pourrait en avoir que 50. En se disant, oui, mais alors, sur tel territoire, un musée de beaux-arts suffit. Un musée de sciences suffit, un musée d'ethnographie suffit, etc., etc. Ça suffit qu'on garde comme ça 50 petits musées différents qui sont consacrés aux techniques ancestrales sur un même territoire. Et ça, c'est dommage parce que du coup, la diversité culturelle serait atteinte à ce moment-là. Parce que chaque petit musée, ok, vous allez dire vous parce que ça vous intéresse peut-être pas, ouais, mais enfin, c'est bon, quoi, ces charrues-là, je les ai déjà vues dans tel musée, tel musée, tel musée. Peut-être pas, c'était tout à fait une autre charrue qui est tout à fait dans notre modèle parce que d'une région à l'autre, les techniques agricoles anciennes variaient. Donc il y a toujours un déchirement entre les deux, mais en même temps, une rationalisation est totalement nécessaire. Et alors, il y a les publics cibles évidemment qui sont liés. Les gens de la région du centre, ben, ils s'intéressent a priori dans notre culture, notre histoire, que les gens de la région de Liège et qui vont s'intéresser à des choses qui sont plus proches d'eux que si on leur amenait là. Je ne sais pas moi, un musée du boulet liégeois. Je ne pas qu'à la rivière, c'est auquel tu fais. Donc c'est une culture plus de proximité, si on peut appeler ça, qui, elle, s'oppose du coup à ce qui est l'internationalisation, la globalisation de la culture. Donc c'est un peu très schématique. Vous entendez souvent aujourd'hui, à cause de la crise économique, des restrictions budgétaires, etc., il y a de plus en plus de gens qui ont moins de moyens et de plus de gens qui ont aussi beaucoup plus de moyens. Mais donc, il n'y a plus de classe moyenne, comme on appelait ça, à la classe moyenne qui était les professions libérales, les professeurs, les enseignants, les gens qui gagnaient un peu plus qu'un ouvrier, quoi, ce qu'on appelle dans le jargon administratif les niveaux 1 et niveau 2. Mais maintenant, le fossé se creuse et il n'y a plus entre les deux. Donc, on a deux extrêmes. Et donc, ce sera un peu comme ça. Enfin, la tendance, pour moi, elle est comme ça. Il y a tout ce qui est les grandes politiques culturelles qui vont dans la durée de la globalisation et l'internationalisation de la culture. Et puis, il y a ce qui se rapproche plus du citoyen, qui devient plus des cultures de terrain. Moi, je ne dis pas que c'est bien ou mal. C'est juste une tendance que j'observe. Alors, donc, évidemment, les pouvoirs publics, eux, ils sont là pour représenter aussi le pays. Donc, l'international, pour eux, c'est quand même important. Hein? Donc, ils vont développer des stratégies pour attirer aussi des gens, pour attirer les touristes, etc., pour faire venir de l'argent. Et ça, c'est surtout les régions qui font ça, puisque le tourisme est une compétence régionale. Sauf que le tourisme s'appuie, bien sûr, sur des compétences patrimoniales. Donc, là aussi, les limites sont toujours difficiles à déterminer, et bien souvent elles sont même floues. Et d'ailleurs, par exemple, il existe une plateforme qui s'appelle Plateforme Culture Tourisme Patrimoine, qui se réunit environ 3 ou 4 fois par an et qui rassemble la région wallonne, tourisme et patrimoine immobilier, et nous, patrimoine immobilier, etc. Et donc on fait des réunions et on voit, par exemple, tous les projets de musées, etc., où les acteurs, ces différents acteurs politiques agissent. Et on se met d'accord entre fonctionnaires. Parce que si chaque fois on doit référer au ministre, on en a un premier. Et puis après, quand c'est vraiment des décisions importantes, alors on réfère au ministre de tutelle. Oui, et alors, et c'est ce que je vous disais, réorientation des investissements culturels. Mais c'est clair que si on voulait être vraiment logique jusqu'au bout, ben, on investirait dans un. L'université, c'est pareil. Hein. Si l'université voulait vraiment, elle investirait beaucoup d'argent dans un gros musée qui rassemblerait un échantillonnage de toutes les collections illustrant l'histoire de la recherche et de l'enseignement au sein de l'université, plutôt que de continuer à subventionner, à saupoudrer les différents petits musées qu'elle a. Bah, au niveau de la communauté, c'est le même truc. Il faut essayer de réorienter les investissements culturels. Évidemment, ça fait des cris et des grincements de dents, parce que chacun veut garder son petit truc et son petit domaine comme un aigle là, dans son air. Mais il n'y a pas de solution. Dans la logique actuelle, il faudra bien arriver à ça. Et ça, l'inverse, c'est contre les logiques de proximité. Bref, c'est tout le temps un terrain mouvant. Et donc finalement, ben, on assiste à un nouveau clivage entre ce qui est le patrimoine, qui était celui qui a présidé au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, centré sur les beaux-arts et les arts nobles, comme je disais. Quand je dis noble, moi je les considère pas nobles, là c'est une appellation désuète de ces arts-là. Et le secteur socioculturel, très proche des gens et de l'éducation permanente, donc l'éducation tout au long de la vie. Ce clivage-là, il revient et il faut lutter contre. Alors les politiques urbaines prennent beaucoup d'essor. Si vous prenez le courage de lire le plan politique régionale de la région de Bruxelles-Capitale, qui a été soumis d'ailleurs à l'avis de la population, mais la consultation est terminée depuis peu. C'est hallucinant. C'est hallucinant, j'y reviendrai plus tard dans le cours, mais ce que mettent les grandes villes pour développer la culture et le patrimoine en leur sein. C'est très bien, mais c'est un peu démesuré par rapport aux villes qu'elles sont en Belgique. Enfin, je veux dire, on n'est pas à New York ou à Paris. Et donc, évidemment, elle est là, on est au cœur de l'Europe. Ok, mais il faut savoir, c'est le cœur de l'Europe, c'est la capitale de l'Europe, ou c'est la capitale des Belges, ou c'est la région bruxelloise. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu démesuré dans certains cas. Alors, évidemment, du coup, ils veulent aussi développer des viviers de talent, donc ils font les. Comment on appelle encore ça? Pas les nurseries, mais les endroits là où qui sont des anciens lofts requalifiés, où on a une série de petites entreprises qui peuvent aller travailler, qui partagent leurs moyens en commun. Ça porte un nom, les incubateurs. Ça se développe beaucoup en ville. Alors évidemment, il y a la tendance, heureusement ça n'est pas finalisé, d'inclure le secteur marchand dans la sphère culturelle, mais ça, j'en ai déjà parlé. Et donc la nécessité fatalement de réguler tout ça, parce que sinon on fait de tout et un peu n'importe quoi. Et l'existence de ces politiques régulatrices, donc des nouvelles pratiques culturelles, en fait, c'est nécessaire et indispensable pour lutter contre l'instrumentalisation tout ce qui est bien culturel devienne automatiquement bien de consommation avec une valeur marchande. Alors, la politique des grandes villes qui fait qu'ils font, ils veulent tous faire des projets, mais parfois, comme aurait dit le président Jacques Chirac, abracadabrantesque, du coup, ils deviennent un peu même les concurrents des États, hein, et surtout dans la même en Belgique, parce que au niveau national, fédéral, on n'attend plus grand chose, même si on voit pour l'instant beaucoup M. Michel à la télévision. Ici, en Belgique, c'est les régions et les communautés qui prennent, surtout les régions d'ailleurs, qui prennent la place. Quoi. Donc, alors, quel est le sens encore d'avoir des États? Est-ce qu'on ne ferait pas en Europe n'avoir que des grandes villes avec évidemment leur périphérie, leur grande périphérie, pourquoi pas, hein. On peut très bien l'imaginer. Enfin, il y en a quand même des villes, hein, c'est un endroit. Alors, il y a aussi la concurrence entre les villes et les zones rurales, du coup, qui s'accroît. Parce que tout ce qu'on met à Bruxelles, tout ce que fait Bruxelles, c'est ce qu'on ne fait pas à Rouen. Ou, je ne sais pas moi, à Mazeik. Hein. Qui connaît Mazeik ici? À part Joséphine, moi. Voilà. Donc, qu'est devenue la démocratie nationale de la culture, mais la démocratie culturelle, elle est où? Où est la limite? J'ai pas de réponse à ça. C'est juste pour vous ouvrir un peu, pour vous faire réfléchir. Donc, voilà aussi de l'avenir des communautés qui ont de moins en moins d'argent. Est-ce que dans 20 ans, les communautés existeront encore? Enfin, je parle surtout de la française, puisque en Flandre, ils ont été beaucoup plus malins des débats. Mais même la communauté germanophone, est-ce qu'elle existera encore? Alors, est-ce qu'il faut que les compétences culturelles passent totalement aux régions, qui en ont les moyens, mais qui leur donne fatalement une orientation beaucoup plus marchande, puisqu'elle lie ça aux politiques de tourisme, aux politiques économiques, de facto. Et en plus, ça poserait un problème, parce que ça veut dire, en fait, c'est quoi l'importance de l'existence de la Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui? C'est qu'elle est compétente pour les francophones de Wallonie et de Bruxelles. Tandis que si il n'y a plus que la région Wallonne qui a des compétences culturelles, ça veut dire que les compétences culturelles à Bruxelles sont uniquement aux mains de la région Bruxelles-Capitale. Et que donc, il n'y aura plus la défense des francophones. Joséphine, je suis désolée. Hein, même si vous êtes Bruxelles est une ville, la majorité francophone aujourd'hui, il faut quand même savoir, je ne crois pas que ça existe encore, mais que pendant des années, le gouvernement flamand payait les chiens de couple flamands pour venir. Enfin, ils avaient des primes s'ils venaient s'installer à Bruxelles. Il y avait une espèce de colonisation. Et je crois que ça continue dans les communes à facilité. Alors, la région de cette capitale, j'en parlais, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que bon, c'est la capitale de la Belgique, de l'État fédéral belge. C'est la capitale de l'Europe, une des deux. Parce que je vous rappelle qu'il y a toujours quand même pour Strasbourg, qui est aussi en commune incongruité. Hein, quand il aménage tout le Parlement à Strasbourg, comme disait Fontainière, on voit ce que ça coûte. Est-ce que ça... Ouais. Alors, est-ce qu'on n'en ferait pas plutôt un district européen? Comme Washington DC est un district des États-Unis? Ou bien est-ce qu'on va laisser pourrir et que ça va continuer à être le champ de bataille des communautés, parce que c'est comme ça dans les faits. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'il y a des plateformes ou des groupes de concertation aux communautés flamandes et aux communautés françaises que tout va bien et qu'on est dans le monde des bisounours. Alors, je vous ai mis, vous aurez dans le PowerPoint, ces deux références bibliographiques qui sont vraiment les bases et qui vous renverront vers d'autres références et qui sont toutes les deux des publications de l'Observatoire des politiques. La deuxième, je vous l'ai déjà mentionnée la semaine passée, me semble-t-il. Et la première, ben, vous aurez une histoire un peu plus détaillée, évidemment, que ce que j'ai fait très rapidement ici. Et tout ça est en ligne et gratuit. Il hein. y a plein d'autres publications aussi. Hein. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Alors, on va passer au niveau de pouvoir et aux compétences culturelles. Donc, quel niveau de pouvoir et compétences pour quel domaine culturel? Et je vais commencer, comme il se doit, par le niveau fédéral. Je vous rappelle donc que les communautés linguistiques, et donc linguistiques à l'époque, sont culturelles à l'époque, pardon, mais qui correspondent à des langues, ont été créées en 1970 avec la première réforme de l'État, donc la communauté flamande, la communauté française, la communauté germanophone. Au niveau national, tout ce qui n'avait pas trouve des mots très chinois pour des choses très simples, en fait. Là, par exemple, les musées fédéraux, enfin, c'était les musées nationaux, donc fatalement, on ne pouvait pas les faire dépendre de l'une ou l'autre des communautés sans s'entraîner en bord des guerres. Hein. Et donc, on les a laissés à l'État fédéral. Mais il y a aussi d'autres domaines dans lesquels, les détails desquels je ne rentrerai pas. Alors, à la deuxième réforme de l'État, 10 ans plus tard, là, je me rappelle que les communautés culturelles, en fait, deviennent des communautés tout court, puisqu'elles regroupent aussi d'autres compétences comme l'enseignement, le sport, etc., et plus seulement la culture. Là, il y a clairement de nouveau l'établissement sur les compétences sur les établissements scientifiques fédéraux, puisqu'on reste toujours avec le même problème, ce sont des institutions nationales qui deviennent fédérales. Mais voyez, ça comprend tout l'ensemble du territoire belge. Alors, il y en a 15. En fait, il y en a 16. Ils ont donc une existence administrative autonome. Mais j'en ai encore appris des pages là-dessus, il n'y a pas longtemps. Mais n'ont pas de personnalité juridique propre. Donc, ils dépendent tous d'un ministre de tutelle et du ministère des Finances, qui leur donne leur dotation. Oui, si je dis des conneries, tu m'as compris. Ça peut arriver. Je suis pas parfait. Ah, voilà. Donc, j'ai appris lundi, par exemple, que on nous a montré un tableau évolutif des dotations justement des établissements scientifiques fédéraux. Et alors on remarque une série d'entre eux ont de moins en moins, mais paradoxalement il y en a quelques-uns qui ont de plus en plus. Par exemple en 2014 ou en 2015, le muséum d'histoire naturelle a reçu l'équivalent de 10 millions d'euros, alors que l'année d'avant il avait reçu 8 millions d'euros. Mais en fait, ça c'est le beau tableau synthétique de la promotion. Mais si vous allez voir plus loin dans le détail des comptes, les 10 millions d'euros, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à 2 millions de plus que le ministère des Finances a donné pour retaper les bâtiments. Donc, ils mettent ça sur le compte du musée au lieu de mettre sur le compte de la régie des bâtiments. Et donc, ça trompe tout bazar. Alors, ils expliquaient aussi que même si ça va dire pas, par exemple, là, si tu vois le patrimoine artistique, a sur ses comptes de réserve 1 million d'euros. Mais ils ne peuvent pas y toucher. L'inspecteur des finances refuse qu'il dépense 1 euro. Donc, s'il doit acheter un bic, il faut l'appeler l'inspecteur des finances. C'est schématisé, mais c'est presque comme ça. Chez nous aussi, dans l'administration, c'est juste. Et donc, cet argent est là pour faire illusion, pour bloquer, pour essayer de rapporter des petits, sans doute. Avec les données actuelles, ça doit être gagné. Et ils ne peuvent pas y toucher. Et donc, en fait, ils ont vraiment moins d'argent et ils n'ont aucune autonomie pécuniaire. Et donc, ils perdent leur autonomie, du coup, administrative, puisqu'ils ne peuvent plus mener leur politique et leur programme, leur plan stratégique comme ils le veulent. Tout est soumis à l'approbation du ministère des Finances et de l'inspecteur des Finances. Et alors, à ces 16 et pas 15 ESF, s'ajoutent trois institutions culturelles fédérales qui, elles, ont une personnalité juridique propre. Je vais y revenir, mais c'est le Palais des Beaux-Arts, l'Opéra Royal de la Monnaie et l'Orchestre National de Belgique. Oui, et alors il y a évidemment toutes ces institutions scientifiques fédérales, à part le jardin botanique de Meis, qui n'est pas sur le territoire de la région de Célois, mais qui est en territoire flamand, et Dervurent aussi, pardon. Les autres sont tous sur le territoire de la région de Célois. Et donc en fait, la région de Célois aide l'État fédéral dans ces institutions-là, puisque ensemble ils font la renommée et l'image de la Belgique sur le plan international. Alors, ces 16 établissements scientifiques fédéraux, il y en a, parmi ces 16, il y en a 7 qui relèvent du domaine culturel. Je les ai listés là. Donc, les AGR, archives de l'État dans les provinces, donc ça, c'est des antennes des archives de l'État qui sont décentralisées. Par exemple, à Namur, il y en a à Liège, il y en a à Mons, il y en a à Lyon aussi. L'Institut Royal du Patrimoine Artistique, l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, donc le Musée Royal de l'Afrique Centrale, la Bibliothèque royale du Gibier, les musées royaux d'Arlisseur, les musées royaux des Beaux-Arts. Alors, je vous ai mis quelques photos, comme ça change un peu. Hein, l'art royal et qui n'est jamais allé à l'art royal. Vous êtes tous déjà allés à l'art royal, travailler. Très bien. Qui est déjà allé à l'IRPA? Ça va. Alors, l'Institut royal des sciences naturelles, le musée royal d'Afrique centrale qui est en pleine rénovation, comme vous le savez. Les musées royaux d'art et d'histoire, donc, qui se composent de 5 entités, je vous musée royal des Beaux-Arts, où là aussi il y a 5 unités, le musée d'art ancien, requalifié Old Master, le musée d'art moderne, le musée Magritte Museum, si je vais être logique, le musée de fin de siècle, ça je ne sais pas s'il y a une version anglaise de son appellation, le musée Wirth et le musée Constantin Meunier. Donc on a quand même 6, pas qu'on passe à. Alors, ces établissements scientifiques fédéraux, il y en a un en plus, que Louise connaît bien, puisqu'elle le conserve dans son mémoire, c'est le Musée royal de l'armée d'histoire militaire, qui lui dépend du ministère de la Défense. Donc, il ne dépend pas, comme tous les autres, je vais y revenir, de la secrétaire d'État en charge des institutions scientifiques fédérales. Il dépend du ministre de la Défense. Alors, voilà, donc la nouvelle secrétaire d'État qui remplace Madame Sulot, c'est Zuhal Demir, donc de la NVA, qui est en charge de ces instituts, de la politique scientifique et aussi donc, de ces instituts scientifiques fédéraux. Mais vous voyez qu'elle s'occupe aussi de beaucoup d'autres choses, hein, la pauvreté, l'égalité des chances, les personnes handicapées, elle est chargée des grandes villes, elle est ministre de la sécurité et de l'intérieur. Donc là, je sais que cette semaine, elle fait le tour des instituts scientifiques fédéraux pour un peu voir quels sont leurs problèmes, mais comme disait des membres du personnel avec qui j'étais en réunion lundi, c'est pas pour ça qu'eux auront droit à la parole et pourront l'interpeller sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Alors, le 9 octobre 2014, il y a eu un accord de gouvernement par rapport aux instituts scientifiques fédéraux, aux établissements scientifiques fédéraux, pardon, pour leur accorder une autonomie croissante. Donc, ça fait partie de l'accord, mais comme ils ne peuvent pas dépenser comme ils veulent, enfin, utiliser l'argent comme ils veulent leur programme, bah leur autonomie, on se demande vraiment si elle existe. Ce sont des services partagés, enfin, ils partagent certains services, comme par exemple la promotion du droit, etc., pour des économies d'échelle, et donc c'est encouragé. Les dotations, chacun a sa dotation, ça de toute façon, mais comme je vous le disais, ils ne peuvent pas toucher une partie de cette dotation. Les collections doivent former, donc toutes les collections doivent former un ensemble et être accessibles au public. Là aussi, il y a la préoccupation de l'usager culturel. Ils vont subir des contrôles renforcés quant à leur management, etc. Leur gestion financière, ben, de toute façon, comme ils ne peuvent rien dépenser, ben, ça va être vite réglé. Ils ont un master plan, donc l'État a conclu un master plan avec la régie des bâtiments pour rénover tous ces bâtiments. Vous vous rappelez encore les sous dans les salles des musées et des beaux-arts l'année passée. Et les adapter aux normes modernes, j'adore ce mot, les normes modernes, mais bon. C'est comme ça dans les gestes éthiques. Développer la numérisation, le stockage des données et l'échange de celles-ci. Alors, pousser la politique d'archivage, numérisation donc, et l'accès aux données scientifiques pour le grand public, donc, que les choses soient de plus en plus mises en ligne et accessibles. Et alors, ils veulent mettre en place une autorité fédérale numérique. Bon, ça, ils sont complètement d'accord. Alors, donc, ce contrat d'administration engage le gouvernement fédéral et les établissements scientifiques fédéraux du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. C'est le contrat d'administration. Donc, en plus de ça, il y a un contrat d'administration qui est conclu. Je vous ai déjà parlé de contrat d'administration. Par exemple, le ministère de la Fédération dans le Bruxelles a conclu un contrat d'administration avec le gouvernement de la communauté. Et donc, c'est à cause de ça qu'on a tous ces projets, etc., et toute cette nouvelle politique, parce que nous, on subit le même genre de réforme. Et je peux vous dire que c'est pas tous les jours comme ça. Donc, ici, leur contrat, c'est sur 3 ans, 2016-2017-2018. Et j'imagine qu'ils ont aussi, après ça, des plans opérationnels, des projets, etc., qui vont devoir chaque fois rendre des comptes. Par exemple, ici, j'ai appris hier que pour lundi prochain, je devais rendre mes indicateurs. Heureusement, j'avais déjà fait compléter par mes collègues un tableau d'indicateurs jusque 31 août 2016. Donc, pour 2016, je devais plutôt compléter que 4 mois. Donc, là, ce midi, j'ai déjà tout envoyé parce que mes collaborateurs sont vraiment super. Et c'est quoi un indicateur? C'est par exemple, vous avez comme mission de subventionner les musées et de bloquer les subventions. Combien de subventions et de dossiers avez-vous traité en 2016? C'est sympa. Alors, combien de visiteurs sur telle page du site? Combien de pièces de collection ont été prêtées à des expositions au national, à l'international, chez les Flamands? Bref, donc, maintenant on travaille comme ça. Donc, on ne chiffre plus la qualité du travail, on chiffre la quantité du travail. Enfin, on évalue. Et ça, franchement, c'est très frustrant. Alors, ces établissements scientifiques fédéraux, donc, sont évidemment des lieux de recherche absolument exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez déjà pu aller dans les réserves des musées, de ces musées fédéraux, parce que ce qui est exposé, c'est évidemment un petit point de l'iceberg. C'est absolument incroyable. Donc, c'est des lieux de recherche infinis. Si on ne les démantèle pas, ben, dans 300 ans, il y aura toujours autant de recherches à mener dans ces collections. Et alors, les collections artistiques et historiques, ben, vous voyez, leur valeur est estimée tout ensemble à plus de 6 milliards d'euros. Et les institutions toutes rassemblées également reçoivent à peu près un peu plus d'un million de visiteurs par an. Alors, à côté de ça, il y a les trois institutions culturelles fédérales dont je vous ai parlé, le Palais des Beaux-Arts, qui ont, elles, une personnalité juridique propre, le Palais des Beaux-Arts, qui est une société anonyme de droit public à finalité sociale, qui reçoit cette année 12 440 000 euros environ. Et donc, en fait, c'est une société commerciale, mais qui ne peut pas s'enrichir, puisque fatalement, elle fait des activités pour l'usager culturel. Mais grâce au fait qu'elle est société commerciale, elle a beaucoup plus d'avantages économiques et c'est plus facile pour elle de fonctionner. La finalité sociale précisée, c'est créer, veiller à la qualité et à la diversité artistique à travers des expériences totales. Alors ça, j'ai essayé de comprendre les harmonies. J'ai trouvé ça donc dans le texte qui explique la vision de l'institution sur son site internet. Je ne saisis pas tout, mais c'est typique de M. Dujardin et son directeur actuel. Et alors, il doit rendre un rapport annuel sur la réalisation du but social, puisque c'est ça qui est important, sinon le fisc lui tombe dessus. S'il fait du bénéfice et que ce n'est pas réutilisé pour faire de nouveaux événements, enfin, de nouvelles expositions, de nouveaux concerts, etc., ben, ça ne va pas, on ne peut pas les oublier. Alors, les deux autres sont, elles, des organismes d'intérêt public de type B. Ça veut dire, c'est une loi donc, qui régule ces institutions-là. Ce sont donc des personnes morales de droit public, comme une ASBL est une personne morale de droit public. Mais ils ont une autonomie administrative et financière importante. La dotation en 2017, ben, vous le voyez, hein, vous voyez que l'orchestre n'a pas beaucoup quand même, mais alors il y a un projet de rationalisation des moyens entre l'orchestre et le théâtre Royal de la Monnaie. Donc ils sont placés sous tutelle du gouvernement et en particulier sous tutelle du ministre Reynders, ministre des Affaires étrangères, puisque c'est considéré comme à la limite, moi je vois ça comme si on les mettait au-dessus des grands musées, puisque ici c'est carrément le ministre qui est en charge de l'international qui chapeaute ces trois institutions. Alors je veux bien qu'il est aussi chargé de Beniris. Alors Beniris, c'est l'agence de la région bruxelloise qui finance tout ce qui est recherche scientifique. Mais ses compétences de base en tant que ministre des Affaires étrangères sont plus liées avec les ISF que celles de Madame Demir par rapport aux établissements scientifiques. Alors là aussi, c'est l'accord du gouvernement, toujours le même, qui règle certains. Donc le fait qu'ils vont maintenir l'investissement fédéral dans ces institutions en étroite concertation avec les communautés. Parce qu'il va de soi que comme ce sont des institutions bruxelloises, les communautés participent aussi à leur gestion. Le rapport est minime. Mais on a des contrats, des conventions avec Beaux-Arts, entre Beaux-Arts et la Fédération en tout cas, pour par exemple que la Fédération chapeaute une exposition sur 3 ans à Beaux-Arts ou une saison théâtrale et des choses comme ça. Et en échange, il y a un peu d'argent qui circule, mais c'est surtout des moyens, des idées et du travail. Et alors, ils doivent procéder à donc, analyser des synergies pour gagner en efficacité, notamment l'orchestre et le théâtre, qui doivent arriver à avoir, par exemple, un même service de communication, un même service de recrutement. Je ne vais pas dire qu'évidemment, ça doit être la même troupe, parce que c'est pas du tout le même métier, mais en termes de gestion, ça doit être rationalisé. Et alors, il y avait donc, le nouveau contrat de gestion de ces trois institutions a été conclu en mai 2016 et ça court jusqu'en 2019, donc pour clarifier les missions, etc. Donc ils sont tous en phase permanente de restructuration, de remise en question, etc. Et en général, c'est un mouvement dans toutes les institutions culturelles publiques ou qui sont majoritairement financées par le public, y compris les administrations qui s'occupent de culture. Je franchement pas les détails, vous les aurez sur le dire. Alors, il y a un troisième type d'institutions fédérales qui sont dites partenaires. Enfin, je m'intéresse à autre. Et il y a d'autres organismes subsidiés également. Alors, les institutions fédérales partenaires, elles collaborent surtout au rayonnement des chercheurs belges. Elles octroient des bourses, etc. Et elles dépendent du budget fédéral puisqu'elles ont une dimension internationale. Et par exemple, il y a l'Academia Belgica de Rome, que vous connaissez, la Cinémathèque, l'Académie royale des sciences d'outre-mer ou la Fondation universitaire. Et la deuxième sorte, la dernière sorte, c'est association activités culturelles et communautaires. Donc ça, c'est des activités, des événements qui sont subventionnés principalement par le fédéral, en tout cas de façon annuelle. Par exemple, la bibliothèque du Conservatoire royal de Bruxelles, la chapelle musicale Reine-Élisabeth, hein, ou Europalia. Ça aussi, tout ça dépend du fédéral. Donc ce sont les matières résiduelles. Alors, il y a des accords du gouvernement, là, des accords de coopération qui sont signés entre différentes institutions culturelles et le gouvernement. Par exemple, le Conservatoire de musique, il y a un accord aussi entre la région, l'État fédéral et les deux communautés flamandes et françaises pour retaper le Conservatoire de musique qui est dans un état absolument épouvantable, voire qui va presque s'écrouler. Et alors, la sixième réforme de l'État, en fait, a transféré, hein, ça je vous l'ai déjà dit, une série, les matières biculturelles résiduaires pour l'argent de ces capitales, elles a transférées à l'argent de ces capitales. Je ne parle pas ici des établissements fédéraux. Hein. Ça, ça reste très bien. Sinon, ils ne s'appelleraient plus l'établissement fédéral. Et donc, alors, les matières biculturelles d'intérêt régional, définies comme les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées, et autres institutions scientifiques et culturelles, sauf les monuments et paysages, parce que ça, la région les a déjà comme compétence, puisque c'est une région. Et alors, l'intérêt régional, c'est quoi? Ben, en tout cas, tout ce que ça permet de dire, que c'est pas l'intérêt national ou international. Et donc, le théâtre de la Monnaie, le Beaux-Arts et tous les musées fédéraux sont exclus des facto. Enfin, c'est ça, en fait, c'est ça, ça sert à ça. C'est pour pouvoir laisser au fédéral les grandes institutions d'envergure internationale. Alors, ça, c'était le niveau fédéral. Le niveau régional, on commence par l'agent de cette capitale. En 89, est créée la CECOM. C'est quoi la CECOM? Je vous ai dit ça au premier cours, mais il y a un temps, je crois que je vous conseille. Joséphine, tu dois savoir. Non! Le gouvernement bruxellois, il est composé de quoi? Il est composé de ministres, comme vous savez. Et il y a également les communautés qui sont représentées, puisque la région bruxelloise est une région bilingue, constitutionnellement. Donc vous avez la COCOF, qui représente la communauté francophone, française. La COCON, qui représente la communauté néerlandaise, flamande. Et la COCOM, qui représente les deux communautés. Communauté, commission communautaire commune. Et donc, la COCOM a une compétence réglementaire sur les matières culturelles. Donc, ça veut dire qu'elle peut réguler ce qui concerne la culture sur le territoire bruxellois pour autant que cette culture soit d'intérêt commun. Ça veut dire qu'elle soit à la fois intéressante pour les Flamands et pour les francophones. Mais pour ça, pour qu'elle puisse prendre un règlement en la matière, il faut qu'elle ait une majorité, il faut d'abord l'accord d'une majorité des membres de son conseil, et que cette majorité corresponde à une majorité de chacun des groupes linguistiques, ce qui n'est pas gagné. Hein. Enfin, donc, théoriquement, elle pourrait prendre des règlements, le problème c'est qu'elle n'a pas d'argent. Donc elle ne sait pas financer, elle ne sait pas faire appliquer les mesures qu'elle prendrait. Donc pour l'instant, elle n'a encore rien fait. Mais elle a les compétences. En 1995, il y a un premier plan régional de développement de la région Bruxelles-Capitale qui est adopté, qui prévoit l'investissement dans les matières culturelles via le patrimoine culturel immobilier, puisqu'à l'époque, on n'est pas en 2014, il n'y a pas l'OPS, de le faire aussi via les aides à l'emploi dans le secteur non marchand, celui qui a manifesté hier dans la région de Bruxelles, d'apporter l'aide économique aux industries culturelles et d'aménager le territoire c'est quand même du patrimoine aussi, donc voilà, l'aménagement du territoire et la politique locale. Alors, ce capital à développer un référentiel de territoire, je vous parlais plutôt de la territorialité, hein, et du concept d'urbanité en matière culturelle à Bruxelles, donc grand centre urbain, politique des grandes villes, etc. La culture prend de l'importance. En 2014, la sixième réforme de l'État dont je viens de parler, qui transfère les compétences. Ce transfert de compétences est aussi, c'est marqué là, parce que le fédéral, en fait, n'assume absolument pas ses compétences culturelles, indépendamment des grands établissements et institutions fédérales. Donc les communautés ont commencé à dire, nous on en a marre, quoi, pourquoi tu gardes ça ? Charles-Michel, pourquoi tu gardes ça ? En 2014, je ne sais pas si tu as déjà vu, enfin, moi je suis prête. Pourquoi tu gardes ça ? Nous, on pourrait essayer de les appliquer, donc voilà, c'est pour ça qu'on a rétrocédé d'une partie. Alors oui, ce transfert ne modifie en rien les compétences communautaires en PC, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Un musée bruxellois pourrait très bien choisir entre l'un ou l'autre de ses pouvoirs publics, puisque tous les deux sont compétents, donc entre la fédération, enfin, la communauté flamande, la communauté française ou la région, puisque ces trois-là sont compétents en termes de musée sur la région de Bruxelles capitale. Et c'est là aussi qu'il y a les problèmes de limite. Hein. Alors, les matières biculturelles d'intérêt régional, donc je vous disais, c'est tout ce qui n'est pas national ou international, mais... Et c'est le Conseil d'État qui a proposé ça. Le Conseil d'État, vous savez ce que c'est ? Allez. Il n'y a pas quelqu'un qui sait ce que c'est le Conseil d'État ? Si par exemple, vous êtes pété, vous êtes pas admis, oui, parce que maintenant je peux pas m'admis, attendez, je dois parler en termes de décret Marcourt, vous n'avez pas tous vos crédits, donc vous ne pouvez pas, vous n'avez pas tous vos crédits dans le cadre du master, et donc vous ne pouvez pas avoir votre diplôme. Et en fait, vous traînez un cours de, je ne sais pas moi, deux ECTS pendant 3 ans, et puis finalement, vous le réussissez, enfin, vous estimez l'avoir réussi, mais le prof se trompe dans sa note, etc., mais il n'y a pas moyen d'avoir gain de cause, enfin, vous introduisez un recours. Alors, il y a une commission disciplinaire à l'ULB qui va d'abord passer par là, mais si l'ULB maintenait sa décision, non, vous n'aurez pas votre diplôme et tout, mais vous avez les preuves que franchement c'est pas juste, et vous allez où au Conseil d'État. C'est le recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État, il vérifie que les lois soient applicables, qu'elles respectent l'égalité des chances, l'égalité des sexes, blablabla, blablabla. Donc elles respectent les intérêts du citoyen. Moi, il fut un temps ici où j'ai postulé pour une mini-chaire il y a quelques années, et je n'ai pas été retenue. Et en fait, la mini-chaire, il y avait deux mini-chaires. Et ces deux mini-chaires, la commission qui a examiné les candidatures a décidé de ne plus en faire qu'une, de refaire un temps plein. Si j'avais eu les sous, parce qu'il faut quand même les sous, ben j'aurais introduit un cours au Conseil d'État et j'aurais gagné. Parce que c'est illégal de changer un profil de fonction après l'appel à la candidature. Donc le Conseil d'État, il est actif dans plein de domaines différents, ça peut être n'importe quelle matière. Donc c'est lui qui a défini le patrimoine, les matières culturelles d'intérêt régional comme n'étant pas d'intérêt national ou international. Alors, le Mozart, tout ça, je vous ai déjà dit. Et donc depuis le 1er juillet 2014, grâce à cette sixième réforme de l'État, pour autant qu'il adopte une ordonnance, je vous rappelle que les textes de loi au niveau régional de la région bruxelloise, c'est l'ordonnance. Ben, elle peut organiser un musée, elle peut fixer des conditions de reconnaissance, de subvention, etc. Mais elle ne le fait pas encore. Ceci, j'ai une collègue là qui m'a contactée pour me dire je suis chargée de m'occuper de l'intégration de la sixième réforme de l'État dans les politiques de la région du capitale et je voudrais bientôt voir que tu m'expliques un peu ce que c'est de l'intégration. Et donc, il commence à réfléchir. C'est pas plus mal, hein. Donc, il m'a mieux d'avoir moins de musées à gérer. Alors, le financement de cette nouvelle compétence de la région de ses capitales. Donc, l'État fédéral donne des compétences qui lui appartenaient, pour lesquelles il avait de l'argent, mais qui ne l'utilisait pas, à la région de ses capitales. Le problème, c'est qu'il ne donne pas l'argent. Donc, la région va se débrouiller avec ce qu'elle a déjà. Et donc, il n'y a pas de mention de ça dans la loi spéciale de financement. Ça, c'est la Belgique.